Allez, rentre dans le son. Bah là, il dit carrément que t'as pas de son. Benji, moins 18. Vas-y, joue, Mike. Attends, j'enlève le métronome. Vas-y. J'entends quelqu'un derrière, là. Attends. Ah, vas-y. We'll be right back. Hey. Salut. Ah, je suis perdu là. We'll be right back. Thank you. Ok, je vais mettre sur pile. Ok. Salut Géopercussion. Beaucoup, oui. Je sais pas s'ils jouent ensemble ou pas, mais j'ai pas l'impression. Du jazz. Là, c'est du jazz. Bon, alors bref. Thank you. Oui, le son nouveau. C'était mieux. Il est bien le son. Téléchargement ça. Ils sont où les téléchargements ? Oh putain. C'était un peu fort. Attends. Dans le mix. Attends, je crois que j'ai trouvé une dit. Ah merde.